ça ne pouvait être que toi. Qui d'autre aurait pu me faire craquer de la sorte? Si ce n'est pas toi, qui alors? Et comme ma c'est bongo na la vie, et tinda ma c'est bongo na bibilia, linga moninga lokola okomi linga ka na salia. Pamba pamba dadi so so pour le souvenir d'une nuit d'éternité.